interrogation. Que doit se poser l'homme vis-à-vis la conscientisation de ses corps? Elle est simple, elle est formelle et elle est indiscutable. Cette interrogation est fondée sur le choix que doit faire l'individu dans ses activités personnelles, à la fois sur le plan social et à la fois sur le plan interne. Toute proposition qui lui vient à l'esprit, selon laquelle il veut augmenter son rendement dans la vie, améliorer sa situation de vie, ne peut être conclu que par l'ajustement vibratoire de son corps mental et de son corps émotionnel. La question clé concernant le changement de conscience chez l'homme sera toujours en relation avec le changement vibratoire de ses corps. Les questions psychologiques, les questions philosophiques, les questions d'ordre religieux ou spirituel ne serviront qu'à retarder, qu'à amenuiser, qu'à voiler la concrétisation du fait de la conscience dans le psychisme humain. L'ego de l'homme est inhabitué à la conscience et sa relation avec la pénétration de la conscience est une relation qui est fragile, qui n'est pas facile, parce que l'ego, à tous les niveaux de son organisation psychique, est contaminé par des formes qui le suivent depuis de nombreuses années. Et cette condition psychologique de l'homme est insoutenable devant la condition objective et dépourvue de valeur personnelle de la conscience universelle. Tout homme qui va vers la conscience, va vers cette conscience non pas parce que ceci fait partie de son désir personnel, mais parce que la conscience amplifie en lui sa résonance et éventuellement lui donne l'éclaircissement nécessaire et essentiel à la compréhension de sa vie et aussi à la compréhension de sa relation avec cette conscience. L'intelligence universelle, sa pénétration dans l'homme qu'on appelle la conscience, n'est pas simplement un facteur psychologique, mais bien un facteur d'énergie, d'énergisation, qui contient la psychologie de l'homme et qui développe la psychologie de l'homme au fur et à mesure que les formes dans son esprit s'amoindrissent, s'atténuent pour éventuellement totalement disparaître. Il y a dans la conscience universelle trois aspects qui déterminent l'orientation de l'homme, de l'individu sur une planète et qui organisent dans son mental certains champs de force essentiels à la capitulation éventuelle de l'ego devant la résistance des formes dont il est construit. Et une de ces forces, un de ces volets de la conscience universelle, c'est le facteur de communication avec elle. Le deuxième est un corollaire de ce facteur de communication dans le cas où la communication n'étant pas encore précise, où l'ego est encore obligé de vivre pendant un certain temps sous le joug du mensonge cosmique et où il doit, avec le temps et la patience, pouvoir interroger d'une façon catégorique, essentielle et non ambiguë les intentions précises de la pénétration de cette intelligence. Tant que l'ego n'a pas atteint une suffisance intellectuelle mentale et supramentale qui lui permet d'interroger l'intelligence universelle au niveau de son pouvoir personnel, au niveau de son propre équilibre interne, en relation avec sa résistance émotive et mentale, l'ego est obligé de subir, jusqu'à un certain point, les jeux de la conscience universelle, ce que j'appelle les jeux de l'esprit. Tant que l'homme est sujet au jeu de l'esprit, il n'est pas encore dans la conscience universelle, il est simplement sur le bord, à la porte de cette conscience. Le troisième aspect, celui de la corroboration de toute information provenant de l'intelligence universelle vers l'homme, est fondé sur un principe absolu qui dicte que tout homme qui reçoit de l'information des plans universels doit se servir de cette information pour la réorganisation psychique et vibratoire de la planète où il vit. Effectivement, les hommes ne sont pas encore prêts à cet état d'esprit, et pour cette raison, toute information qu'ils reçoivent de la conscience universelle sert simplement pour le moment à la réorganisation psychologique de leurs propres êtres afin de troubler l'esprit de leur mental et de réorganiser l'émotion de leur esprit pour qu'un jour ils en viennent à pouvoir atteindre un niveau de sensibilisation assez exact pour ne jamais troubler l'esprit de ceux avec lesquels ils parlent parce que ce qu'ils diront dans ces temps-là, sera exact et inaltérable. Mais le travail doit se commencer chez l'individu avant de pouvoir se projeter dans l'espace social. Le travail doit commencer chez l'individu avant de pouvoir être manifesté dans l'espace social. Et tant que l'espace social n'est pas prêt à recevoir sur un plan global cette énergie en tant que collectivité consciente mondiale, l'homme doit travailler, vivre de la conscience universelle, mais au niveau de la personnalisation de cette énergie et dans le cadre de l'information et des lois de l'information qui le regardent, lois qui sont sujettes à mépriser son intelligence, à mépriser son émotionnel spirituel et à mépriser tout ce qu'il considère important dans la vie. Les interrogations de l'ego envers la conscience universelle sont les interrogations de l'ego. Les questions de l'ego, les questions intelligentes et essentielles de l'ego pour sa propre orientation font aussi partie de l'ego. Tout ce que fait l'ego fait partie de l'ego et tant qu'il y a chez l'ego de la subjectivité, quel que soit le voile ou la dimension de cette subjectivité, la conscience universelle doit refreindre sa pénétration du mental afin de permettre à l'ego de trouver un autre niveau de vibration et de pouvoir éventuellement se raccorder parfaitement dans l'universalité de la conscience avec les hommes qui possèdent cette conscience. Les jeux de l'ego sont regardés par la conscience universelle comme un passé. Ils sont regardés comme faisant partie de l'ancienne psychologie du vieil ego, de l'homme ancien, et comme la conscience universelle fait partie d'un cycle nouveau où l'homme doit réorienter ses forces, son énergie et rediffuser, soit sur le plan matériel ou sur les autres plans, la quantité essentielle d'énergie qu'il possède, cet ego doit être revitalisé, rechangé, retransformé et abattu. Et lorsque je dis abattu dans un terme qui est clair et net, le temps viendra où l'ego, l'ancien ego de l'homme, quelle que soit la dimensionnalité de son expérience, quelle que soit la qualité vibratoire de sa psychologie et quelle que soit la psychologie de sa vibration, devra retourner dans le passé et mettre le voile blanc sur ce qu'il croyait comme étant réel pour découvrir que le réel n'a jamais été connu de lui et que le réel n'est connu de l'homme que lorsque l'homme est dans le réel. Toute transition vers le réel nécessite chez l'homme une période d'ajustement vibratoire afin de lui permettre d'entrer en communication visuelle directe avec la lumière sans que son esprit soit affecté par cette énergie. les contentions psychologiques de l'homme, les vertus spirituelles liées à sa fonction évolutive sur la planète Terre, ces vertus spirituelles liées à l'organisation et à l'harmonisation des formes sociales, font partie de l'ancien homme, font partie de l'ego ancien, du vieil ego. Et je parle pour demain lorsque je dis que l'homme, qui devra reconnaître éventuellement la qualité essentielle de l'ego neuf et réaliser que l'ego neuf n'a aucun lien avec l'ego ancien, que cet homme sera obligé, dans le passage étroit entre lui-même et les forces universelles, de comprendre que ce qu'il sait ne peut être exclu de ce qu'il ne sait pas. Et lorsque l'homme aura compris que ce qu'il sait ne peut être exclu de ce qu'il ne sait pas, c'est à ce moment-là qu'il réalisera que ce qu'il sait n'appartient pas à lui et ne fait pas partie de lui, mais vient et passe par lui et devient automatiquement une prépossession de l'intelligence sur l'homme, lien essentiel dans la manifestation de l'énergie de l'intelligence au cours de l'évolution de la sixième race. Les prérogatives de l'ego, les prérogatives de la psychologie de l'ego, les prérogatives de l'intelligence de l'ego, les conclusions de l'ego, quelles que soient valables ces conclusions aux yeux de l'ego, seront retournées devant la force et devant la pénétration de cette conscience personnelle et individuelle. On peut discuter avec l'homme, on peut trahir l'homme, on peut changer d'avis avec l'homme, on ne peut pas travestir le mouvement d'énergie qui pénètre dans l'homme et qui provient des plans de l'âme. On peut développer, on peut ramifier avec l'homme, mais avec la conscience universelle, on ne peut plus jouer car elle est absolue. Et comme aucun homme sur la planète ne possède de pouvoir sur l'homme en relation avec la conscience universelle, il est évident que c'est la conscience universelle qui aura sur l'homme le dernier mot. Et dans le cadre de cette expression, je cite à faire connaître que tous les hommes, quel que soit leur milieu, quelle que soit leur nation ou leur race, qui auront à passer par le champ de transformation de cette énergie, seront obligés de reconnaître un jour ou l'autre qu'ils n'appartiennent plus à la race humaine. Mais ne plus appartenir à la race humaine est un facteur psychologique et vibratoire, est une dimension de la conscience qui ne se manifeste pas dans des termes humains et qui ne se manifeste pas non plus dans des actions humaines. De sorte que l'homme peut très bien appartenir à la race humaine, dans ce sens qu'il peut activer son énergie sur un plan humain, à l'intérieur de certaines structures déjà établies par l'histoire. Mais lorsqu'il entre en contact avec certaines forces qui font partie de plans et de mondes supérieurs, à ce moment-là, il n'appartient plus à la race humaine. Et l'ego nouveau devra réaliser dans un temps, devant lui, qu'il y a sur la Terre deux races, la race humaine ancienne et la race humaine nouvelle. Et lorsque l'ego est appuyé dans la conscience de cette sagesse interne, il est à ce moment-là sur le point de commencer à comprendre sa relation avec les forces de la conscience universelle et il est sur le point de commencer à changer de direction, c'est-à-dire au lieu de se mouvoir ou de se déplacer sur le plan horizontal, il fonctionne simplement en relation avec la verticalité. Quelle que soit la conscience de l'ego au stade où elle se présente, cette conscience doit et sera amplifiée. Quelle que soit la résistance de l'ego à la pénétration et à l'amplification de cette conscience, la résistance de l'ego n'est qu'un facteur de temps. Ceux qui devront, pour une raison ou une autre, se retirer de cette action de l'énergie de la conscience, se retireront naturellement, sans bruit ni fracas. Mais ceux qui continueront à évoluer dans cette dimensionnalité de l'expérience humaine, trouveront un jour ou l'autre, une année ou une autre, dans un mois ou dans un autre, une relation intégrale, absolue et irréductible. Je commence ce dialogue afin de permettre à certaines personnes de réaliser que ce qui se passe avec eux se passe avec eux et non pas avec la société. Que ce qui se passera dans l'avenir, ce qui sera connu de chacun de vous dans l'avenir sur un plan personnel, n'appartiendra qu'à vous et ne fera qu'un qu'avec la fonction psychologique et vibratoire que vous possédez. Les hommes ne sont plus liés les uns aux autres dans le cadre de la nouvelle énergie. Dans le cadre de la nouvelle fonction énergétique de la conscience universelle sur le plan humain, les hommes ne sont plus liés les uns aux autres. Les hommes appartiennent à une force, travaillent avec une force, et c'est dans l'universalité de cette force qu'ils sont liés les uns aux autres, non plus par le biais de la psychologie humaine ou par le biais des vertus spirituelles de l'homme, mais par le biais de la conscientisation de leur être qui leur donne accès à un savoir qui est inaltérable et qui est égal et universel dans tous les hommes, bien qu'ils soient différenciés en vibration et en teneur interne quant au discernement. Ceux qui avancent et qui avanceront vers la conscience universelle ne pourront plus regarder en arrière. Et lorsque je dis qu'ils ne pourront plus regarder en arrière, je veux dire que ce qui était important pour eux dans le passé, ce qu'ils ont vécu comme étant réel, ce qu'ils ont vécu comme étant essentiel, perdra de son essentialité et de son réalisme psychologique, parce que la pénétration de la conscience affaiblit l'intellect à un tel point que l'homme perd celui-ci pour en recouvrer un autre. Et lorsque l'homme perd son intellect et qu'il perd la faculté, le siège de l'intellect qui est la mémoire, à un très haut niveau, il n'est plus sur le plan psychologique de l'homme, il est simplement dans la vibration de l'homme. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme cesse de s'orienter vers la terre, mais qu'il commence à monter vers les champs un peu plus libres de l'éther mondial. Les temps qui sont devant l'homme sont réservés à tous les hommes, mais les temps qui sont devant l'homme n'appartiendront pas à tous les hommes. Et ce n'est pas à moi, ce n'est pas à personne sur le plan matériel de distribuer à un ou à un autre un feuillet d'admission vers ses temps. Chaque homme pénètre ses temps selon sa propre vibration. Chaque homme pénètre ses temps selon sa propre capacité interne. Chaque homme retarde ses temps selon sa propre faiblesse. Mais la faiblesse de l'homme n'est pas la faiblesse de l'esprit. La faiblesse de l'homme est fondée sur un égocentrisme aveugle et un égocentrisme qui a une logique profonde et qui sait croire que ce qu'il croit est essentiellement ce qu'il sait. Et c'est là la grande erreur de l'ego de l'homme, et c'est pourquoi dans le Nouvel Âge, l'ego de l'homme sera abasourdi par les pénétrations et le choc de la lumière. Et la quantification de l'énergie dans l'homme sera tellement grande qu'une préparation est essentielle afin que l'homme puisse pénétrer dans ce champ de force sans subir des effets psychologiques. C'est pourquoi les temps sont essentiels, les périodes et les cycles sont essentiels, et tout doit se passer dans le temps qui est réservé à chaque individu. Tel que nous comprenons la science aujourd'hui, tel que nous comprenons la philosophie aujourd'hui, tel que nous comprenons tout aujourd'hui, tel nous réaliserons demain que ce que nous avons compris ne faisait que partie de l'expérience naturelle et essentielle de l'ego social. Tel que nous découvrirons demain, tel que nous verrons demain et pourrons lire demain, sera totalement augmenté dans la vibration du savoir et n'aura aucune correspondance avec l'ancienne connaissance de l'homme. Les intérêts de l'homme pour la société humaine sont des intérêts qui font partie de son évolution. Les intérêts de l'homme pour la société humaine font partie de la catégorisation psychologique de son être et feront partie de cette catégorisation tant que l'homme ne sera pas libre de pénétrer dans la nouvelle société. Et l'état naturel de cette situation doit durer tant que l'homme doit, sur le plan matériel, aiguiser ses outils afin de pouvoir recevoir de plus en plus de hautes quantités d'énergie qui servent et qui serviront à transmuter ces corps. Ce que nous savons de l'homme est inquiétant. Ce que nous savons de la conscience de l'homme est inquiétant. Ce que nous ne savons pas de l'homme est terrible. Il est terrible parce que l'homme qui ne sait pas ce qui est devant lui ne peut pas vivre, collaborer, travailler avec ce qui est devant lui. On ne peut pas partager la conscience avec l'inconscience. On ne peut pas partager la lumière avec l'absence de la lumière. On ne peut pas partager les conditions psychologiques qui sont chères à l'ego avec la lumière. La lumière ne se partage pas. Le savoir ne se partage pas. La conscience ne se partage pas. L'ego qui tend vers cette conscience, vers ce savoir, vers cette lumière, doit et sera forcé, d'une façon ou d'une autre, de laisser tomber derrière lui le passé de son intelligence. Quel que soit ce que croit l'ego, sera démoli. Tout ce que croit l'ego sera démoli. Parce que la croyance de l'ego fait partie de l'ego et tout ce qui est de l'ego ne fait pas partie de la lumière. Et l'ego qui croit que ce qu'il sait est exact fait la même erreur, non pas envers la société qu'il influence, mais envers les forces internes qu'il influence. Car les forces internes qui influencent l'ego l'influencent dans un but précis, dans un but qui doit éventuellement amener cet ego à reconstruire l'illusion fatale de sa spiritualité pour que la statue de cette spiritualité soit pour une fois pour toutes mise en pièces. Et l'ego dont la statue de la spiritualité ne sera pas mise en pièces n'aura pas accès à la puissance supramentale de son énergie, car dans le supramental, la forme n'existe pas. Et dans le supramental, la forme doit être créée. Elle n'existe pas dans l'ancien monde et elle doit être créée pour le monde nouveau, de sorte que la connaissance qui a influé sur l'homme dans le passé et qui doit un jour dans le futur influer, cette connaissance doit être totalement nouvelle et n'avoir aucun regard dans le passé. Or, tant que l'ego est dans le passé, tant que l'ego a lien avec une forme quelconque, il a un pied dans le passé et la conscience, au cours des années, sera essentielle pour la destruction de la forme qui maintient l'ego dans le passé. L'homme est un être sentimental. L'homme est un être bon. L'homme est un être qui cherche quelque chose. L'homme est un être qui cherche l'intégration, mais l'homme est un être qui ne sait pas ce qu'est la conscience. Et comme tous les mouvements cosmiques dans l'univers sont instantanés, et comme tous les mouvements cosmiques dans l'univers sont toujours voilés, et comme l'ego n'est jamais mis aux nouvelles, au courant des mouvements de l'esprit sur un plan quelconque, il suffit à l'homme de passer dans le champ de cet esprit pour réaliser qu'à un certain moment donné, la partie de l'ego est perdue et que la partie de la conscience commence à se faire connaître. Et c'est à partir de ce moment-là que l'ego commence à se délier, à changer de couleur, à amenuiser ses angles aigus et à recouvrer un peu plus de sa conscience personnelle. Il ne doit y exister entre les hommes aucune désharmonie. Il ne doit y exister entre les hommes aucune faction. Il ne doit y exister entre les hommes rien qui divise les hommes, parce que ce qui divise les hommes fait partie de la conscience de l'ego. Et la conscience universelle qui descend sur la terre sera tellement puissante que les forces de la forme, quelles que soient les raisons de ces forces, seront mises en pièces. Ce n'est plus le jeu de l'homme. Ce n'est plus la manière de l'homme. Ce n'est plus la façon de l'homme. Ce n'est plus le temps de l'homme. C'est le temps d'un homme neuf, d'un homme nouveau, et le travail qui doit se faire dans cet homme pour le construire est un travail essentiellement intérieur qui n'est pas sous le contrôle de l'ego humain. Et lorsque je dis que le travail n'est pas sous le contrôle de l'ego humain, je dis ceci en pleine connaissance de cause. Je sais très bien que le temps, les années, ne sont pas importantes pour la conscience. Pour l'ego, si. Pour la conscience, non. Et l'intelligence qui est en chacun de soi sait quand le temps est venu pour la réorganisation, pour la vision, pour la vibration, pour le savoir, pour la conscience totale et indivisible, pour l'harmonie totale. Ce n'est pas l'homme et ce n'est pas l'ego, et jamais l'ego ne saura. Et autant l'ego ment et l'ego est un menteur, autant l'esprit de la conscience peut mentir à l'ego, afin de forcer l'ego à reconnaître le jeu du mensonge et à devenir patient devant le jeu imposé à sa conscience par l'esprit de la conscience. Ce n'est pas l'ego qui dicte les lois universelles. Ce n'est pas l'ego qui dicte à la conscience comment transmuter ses forces. Ce n'est pas l'ego qui dicte. Dans le passé, l'ego a pris la prérogative de bien vouloir croire qu'il dictait l'orientation de sa vie. Et son illusion est tellement profonde que l'ego, pendant des années, a accumulé des formes et des formes et des formes pour se sécuriser dans ce qu'il croyait comme étant cela. Mais l'ego découvrira, avec le temps, que la conscience dirige tout, jusque dans les moindres détails de la vie matérielle. Et c'est à ce moment-là que l'homme réalise que l'ego doit faire place, que l'ego n'a qu'un rôle dans la vie, c'est de canaliser l'énergie et de manifester selon ses outils les formes énergétiques de cette pulsation. Tout le reste n'est qu'une illusion de l'ego. Et toutes les illusions de l'ego seront une à une démolies, je vous l'assure. Le rôle de l'homme dans la nouvelle civilisation, la pénétration de l'homme dans des cadres totalement nouveaux de conscientisation et d'extériorisation de la conscience sur le plan matériel ou sur le plan de l'éther, réfléchira la perfection de l'homme et non les goûts ou les attitudes ou les aptitudes de l'homme. Aujourd'hui, vous vivez dans l'inquiétude de votre spiritualité, parce que votre spiritualité cherche à enraciner, à s'enraciner dans votre conscience personnelle. Elle fait partie de votre ego, votre spiritualité. Le cosmos invisible a créé des formes, a constitué des formes pour l'évolution de l'homme. Il a constitué des formes pour permettre à l'homme d'évoluer parce qu'il avait perdu contact avec l'invisible. Si l'homme avait maintenu contact avec l'invisible, ces formes n'auraient pas été nécessaires. Et la spiritualité dont il est aujourd'hui esclave n'existerait pas sur la planète. Mais la destruction de la spiritualité est plus difficile que la destruction de la forme psychologique matérialiste. Parce qu'il est évident, aux hommes qui cherchent et qui tendent vers des niveaux plus hauts de la conscience que le matérialisme n'est pas la fin de tout. Mais il est difficile à l'homme de concevoir que la spiritualité, surtout les hautes formes de la spiritualité, sont inviolables. Et je vous dis un jour que tous ceux qui sont ici dans la salle et qui s'achemineront vers ce point déterminé de l'avenir, où ils seront obligés de concrétiser dans leur propre conscience l'intelligence du principe infini de la conscience, seront obligés personnellement, seuls, de détruire en eux les moindres restes de leur spiritualité. Je suis le premier sur la planète à l'annoncer, je serai le dernier à en être convaincu et à en convaincre les autres de par leurs propres expériences. Les obstacles de l'ego sont essentiels à son évolution, à son expérience. Tant que l'ego est soumis aux lois de la planète et tant que l'ego est soumis aux lois des planètes. Mais lorsque l'ego n'est plus soumis aux lois des planètes, lorsque l'ego n'est plus soumis à rien, il doit soumettre tout à son propre discernement. Et lorsque l'ego peut soumettre tout à son propre discernement, aucune forme ne peut résister à la vision parfaite et très claire qu'il a de l'esprit. Car l'esprit est toujours en lui et veille à ce que son discernement soit distingué, absolu et irrévocable. Je vous parle pour demain, je ne vous parle pas pour aujourd'hui. Je ne vous parle jamais pour aujourd'hui, parce que tout chez vous viendra demain. Autant il est plus clair aujourd'hui de comprendre ce que je veux dire que le moment où nous nous sommes rencontrés la première fois, autant il sera plus clair dans 10 ans ou dans 15 ans pour vous de comprendre ce que je voulais dire il y a quelques années auparavant. Il est à l'avantage de l'homme de sentir avant de penser. Il est à l'avantage de l'homme de sentir ce que je dis avant de penser et de réfléchir sur ce que je dis. Parce que si vous réfléchissez sur ce que je vous dis, il y a en vous des forces qui dévieront votre réflexion et vous feront réfléchir à quelque chose que je n'ai pas dit, ou vous feront réfléchir à des choses que je ne voulais pas dire, mais que vous êtes forcé de dire parce qu'elles font partie de votre expérience psychologique. Tant que vous avez la soif, vous cherchez l'eau. Et l'eau que vous recevez, bien qu'elle soit nette et claire, sera contaminée par votre langue. Parce qu'il en est ainsi pour l'ego. L'ego est une fonction inférieure et inconsciente de la hiérarchie. Le mental de l'homme, le mental inférieur de l'homme, doit être rendu impénétrable à tout ce qui est extérieur à lui-même. Le mental de l'homme doit être un cristal. Et ce n'est que lorsqu'il est devenu cristal qu'il peut servir à éclairer l'esprit de l'homme d'une façon parfaite et à ne distinguer d'aucune façon entre le vrai et le faux. Tant que vous distinguerez entre le vrai et le faux, tant que vous aurez l'option, tant que vous aurez la capacité, tant que vous aurez le désir, la formation, l'intelligence, le goût de distinguer entre le vrai et le faux, vous serez prisonnier du vrai et du faux. Car dans le vrai et le faux, il n'y a que 2 aspects de la conscience animale de l'homme et la conscience intelligente non définie et non terminée de l'homme. Le vrai et le faux servira à assujettir vos passions les plus variées que ce soit des passions morales, religieuses, spirituelles ou ésotériques spirituelles. Et vous verrez avec le temps que cette condition de votre esprit doit être changée pour que vous puissiez être en dehors totalement de la dualité, qui est à la base de votre souffrance, qui est à la base de l'incapacité de comprendre parfaitement ce que vous savez. Nous cherchons les hommes à nous interroger parce que nous cherchons. Et nous voulons que l'esprit descende en nous, que l'intelligence spirituelle descende en nous, ou que l'intelligence cosmique descende en nous, ou que toutes ces formes d'esprit que nous considérons comme étant universelles descendent en nous. Mais nous ne savons pas ce qu'est l'esprit. Nous connaissons le mot esprit. Nous connaissons le mot spirituel, nous connaissons le mot Dieu, nous connaissons le mot Christ, nous connaissons des mots, mais nous ne savons pas ce qu'est l'esprit. Parce que l'esprit ne se définit pas par des mots. Lorsqu'un mot sert à véhiculer l'étrangeté du réel vis-à-vis le matériel, ces mots sont simplement des formes. Mais quelles sont les lois de ces mots? Quelles sont les lois de l'énergie qui fait partie de cette réalité qu'on appelle l'esprit? Quelles sont les lois du réel qui permettent à l'homme de connaître le réel? Ces lois ne s'interrogent pas, ne se questionnent pas et ne peuvent pas être amenées à l'esprit de l'homme par la philosophie de sa spiritualité ou par un discours intellectuel avec l'esprit. Je parle du contact avec l'esprit, je parle pour permettre à l'homme de réaliser la nécessité de communiquer avec les plans supérieurs. Mais je dis aussi que l'homme, autant l'homme ne doit pas croire l'homme, mais écouter l'homme, autant l'homme ne doit pas croire l'esprit. Et ce n'est que lorsque l'homme a pris une certaine expérience dans son contact avec l'esprit qu'il peut à ce moment-là entendre l'esprit et savoir que ce que l'esprit lui dit est ce qu'il doit entendre. Mais ceci fait partie des pouvoirs de l'homme et l'esprit ne donne des pouvoirs à l'homme lorsqu'il a terminé son travail sur l'ego humain. Je vous assure aujourd'hui qu'il y a autant d'animosité dans les grandes sphères de l'intelligence contre l'esprit matérialiste de l'homme que contre l'esprit spirituel de l'homme. Je vous assure aujourd'hui qu'un jour vous saurez reconnaître par vous-même, parce que l'on reconnaît tout par soi-même, que là où l'esprit engendre dans les cosmos, dans les planètes, dans les galaxies, des formes de vie. Cet esprit n'a qu'un but, c'est de faire connaître à ces formes de vie la réalité de l'énergie dans ces formes de vie, ce qu'on appelle la science universelle. Mais comme l'esprit doit prendre son temps, comme le plan de l'évolution est complexe, les formes sont essentielles. Et c'est là que l'homme, dans son expérience, vit de ses formes, souffre de ses formes, jusqu'au moment où le raccordement avec l'esprit se fait en lui et où il doit et où il est forcé de redétruire ses formes, quel que soit le prix intérieur de la souffrance. Vous ne saurez jamais rien de spirituel. Vous ne comprendrez jamais rien par la spiritualité. Parce que la spiritualité est simplement une planche de salut pour l'espoir psychologique de l'ego qui n'a aucune volonté, qui ne connaît pas l'amour et qui n'est pas encore dans l'intelligence. Je vous fais des tracés de votre propre avenir. Simplement. Nous avons de l'information venant des autres plans, beaucoup d'êtres. Mais l'information que nous avons des autres plans ne fait pas partie de la science de l'esprit. Elle fait partie de l'amour de l'esprit. Et lorsque l'information fait partie de l'amour de l'esprit, elle est insuffisante. À un certain moment, elle doit faire partie de la science de l'esprit. Et lorsqu'elle fait partie de la science de l'esprit, l'homme vit et est dans la science de l'esprit et connaît l'amour de l'esprit et les lois de cet amour en relation avec l'intelligence de cet amour et la volonté de cet amour et de cette intelligence. Ma vie dans le public ne servira qu'à une chose, de vous faire connaître de plus en plus ce que vous ne pouvez connaître par vous-même, mais que vous pourrez un jour connaître par vous-même. C'est le but de ma vie. C'est le seul but de ma vie. Mais ma vie n'est pas une map pour vous-même. Ma vie, c'est ma vie. Votre vie, c'est votre vie. Mais dans le cadre de ma vie, de l'expérience de ma vie, je puis vous dire des choses que vous pourrez comprendre lorsque vous pourrez les comprendre. Mais d'ici à ce que ce temps vienne dans vos vies, vous souffrirez de ce que je vous dis. Car ce que je vous dis n'est pas pour le plaisir de votre ego, mais pour la réorganisation vibratoire de vos corps, afin que votre ego serve de canal à l'énergie. Tant que l'homme n'a pas souffert dans le fond de lui-même, il n'a pas touché à la conscience universelle. Aucun de vous ne touchera à la conscience universelle qui n'a pas souffert. Ce n'est pas que je opte pour la souffrance. Il y a différentes sortes de souffrances. Mais il y aura dans chaque homme une certaine souffrance. Et plus la souffrance est grande, plus la conscience est pénétrante, plus la vibration est haute. Que vous calculiez jusqu'où vous voulez souffrir, ceci fait partie aussi de votre ego. Que vous vous barricadiez dans des limites pour ne pas trop souffrir, ceci fait partie de votre ego. Mais si vous êtes marqué pour l'invisible, vous souffrirez. Parce que la souffrance, telle que je l'explique dans le contexte de mon propre savoir, est la pénétration dans l'homme de force qu'il ne comprend pas et dont il ne comprend pas le plan, les raisons de pénétration et les lois. Si l'homme comprenait ces choses, parce que on lui expliquait ces choses dans l'instantané, il souffrirait moins, mais il souffrirait quand même. Et je le dis à tous. Il y aura dans votre vie, que ce soit dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, une souffrance quelconque qui servira de point de pénétration pour l'énergie de cette conscience universelle. Je ne veux pas dramatiser la souffrance. Je ne veux pas moraliser sur la souffrance. Je ne suis pas moraliste. Mais j'explique la mécanique des lois de l'esprit et la mécanique des lois de pénétration de l'énergie de l'esprit dans l'homme. L'ancien ego versus le nouvel ego. Et la conscience universelle, supramentale, ne se servira que du nouvel ego. L'homme a avantage à écouter ce que je dis qu'à réfléchir sur ce que je dis. Je ne demande pas que les gens m'aiment ou m'haïssent. Je ne demande pas que les gens soient près de moi ou loin de moi. Je demande que les gens qui viennent me voir écoute, ouvre l'oreille à ce que j'ai à dire. Ensuite, par leur expérience,